encre noire. Arrache-les tous complexes. NLF, Jir, Bimbo, Jir, Hollywood, Jir, crève-les tous. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Ils ont tous la langue pendue, la parlotte facile. Attrape-les tous, crève-les tous, leur haine est gratuite. Coince-les tous, qu'ils ravalent tous leur salive. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Ils ont tous la langue pendue, la parlotte facile. Attrape-les tous, crève-les tous, leur haine est gratuite. Coince-les tous, qu'ils ravalent tous leur salive. Un, qui court plus vite que les balles, qui bouge plus vite que les balles, qui me couvre, qui m'ouvre ses portes au cas où y'a embrouille, qui mouffe, qui golden, qui court, qui reste zen, qui mouille, qui tombe vite fait, sa veste, sa putain de gueule qui louve. Les mêmes qui gagnent, les mêmes qui louent, les mêmes qui parlent, les mêmes jaloux. Les laissons parler les man, c'est eux les vrais fans. Leur putain de haine, mon courage, connaissent ta vie de A à Z. Bref, je te passe les détails. Ils veulent tout ce que tu perds. Ce sont des gangsters en herbe. Comme ils ont peur d'être eux-mêmes, ils m'étonnent pour qu'on les aime. Quand ils s'inventent des problèmes, mélodie sur BPM. On connaît tous les vrais défauts, mais les laisse croire qu'on est bêtes. Lève-toi soldat, shoot dans ta soldat. Ne fais plus de détails, explose-les tous soldats. Qui ravalent tous leurs baves et qu'ils mangent tous leurs dalles. Attrape-les tous et crève-les tous, les fils de pute qui parlent. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Ils ont tous la langue pendue, la parlotte facile. Attrape-les tous, crève-les tous, leur haine est gratuite. Coince-les tous, qu'ils ravalent tous leur salive. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Ils ont tous la langue pendue, la parlotte facile. Attrape-les tous, crève-les tous, leur haine est gratuite. Coince-les tous, qu'ils ravalent tous leur salive. Ils ont la parlotte facile, même devant toi ils font style. Mais dès que tu tournes le dos, ils tournent leur veste, leur bouche critique. Je n'ai pas besoin d'un père et encore moins d'un fils. Je connais la vie, je connais la rue, je connais les gens pleins de vie. N'est-ce pas vrai, soldat, que ceux qui parlent sur toi, ils voudraient être toi ou bien te voir taire pas? J'ai bien raison, n'est-ce pas? Dites-moi que j'ai tort, car là, je suis le seul à vraiment croire en moi. Les autres, je m'en tape. Laissez parler les billages, laissez-les faire leur cinéma. Les vrais vrais gagneront pas voir, y'aura que des cons, des cons pour croire. J'ai jamais pris pour moi toute la merde que tu racontes. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que tu saches que je m'en tape. Lève-toi, soldat, shoot dans ta soldat. Ne fais plus de détails, explose-les tous, soldats. Qui ravalent tous leurs bas et qu'ils crachent tous leurs dalles. Attrape-les tous et crève-les tous, ces fils de pute qui parlent. Encre noire, arrache-les tous complexes. Arrache-les tous complexes. Qui gueuf, tire, beurre à la dalle, tire, crève-les tous.